50 languages. 13. 13. الأنشطة والأعمال. Les activités. Les activités. ماذا تعمل مارتا؟ Que fait Marthe? Que fait Marthe? هي تشتغل في المكتب. Elle travaille dans un bureau. Elle travaille dans un bureau. إنها تشتغل على الحاسوب. Elle travaille sur un ordinateur. Elle travaille sur un ordinateur. أين مارتا؟ Où est Marthe? Où est Marthe? Au cinéma. Au cinéma. Au cinéma. إنها تشاهد فيلماً. Elle regarde un film. Elle regarde un film. ماذا يعمل بيتر؟ Que fait Pierre? Que fait Pierre? إنه يدرس في الجامعة. Il étudie à l'université. Il étudie à l'université. هو يدرس لغات. Il étudie les langues. Il étudie les langues. أين بيتر؟ Où est Pierre? Où est Pierre? في المقهى. Au café. Au café. إنه يشرب قهوة. Il boit du café. Il boit du café. إلى أين تودون الذهاب؟ Où aime-t-il aller? Où aime-t-il aller? إلى الحفلة الموسيقية. Au concert. Au concert. هم يحبون سماع الموسيقى. Ils aiment écouter de la musique. Ils aiment écouter de la musique. إلى أين لا يرغبون الذهاب؟ Où n'aiment-ils pas aller? Où n'aiment-ils pas aller? إلى المرقص. Dans les discothèques. Dans les discothèques. هم لا يحبون الرقص. Ils n'aiment pas danser. Ils n'aiment pas danser.